Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui, moi-même en fait. Voilà, alors c'est la Narcisse Edition. Je me suis dit que pour l'épisode 100, il fallait faire un truc un peu spécial. Comme j'avais pas un épisode de dingue à vous proposer et tout ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un épisode où je raconte quelques anecdotes que je n'ai pas encore racontées dans le podcast. Donc voilà, ça va devenir une petite tradition. Et toutes les centaines d'épisodes vont être un épisode où je raconterai quelques anecdotes. Voilà, parce que moi aussi j'en ai pas mal. Vous avez eu l'occasion d'en entendre plein. Voilà, en fait moi le truc que je fais, c'est que quand j'invite quelqu'un, s'il me raconte une anecdote et que ça m'en rappelle une autre, eh ben j'en profite, j'en raconte une aussi. Tout simplement. J'en profite pour vous remercier d'écouter le podcast. Vraiment, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une critique sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose comme commentaire et tout, et j'aimerais vraiment faire augmenter la visibilité du podcast. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et une note sur 5 étoiles. Merci pour votre soutien. En fait, pour le moment, j'ai 2 commentaires. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que j'aimerais vraiment que vous en laissiez. J'ai 2 commentaires, bon les 2 sont à 5 étoiles, donc vraiment merci pour votre soutien. Le premier, c'était il y a très longtemps, c'était Sinan Imre, qui était d'ailleurs l'épisode 66 dans le podcast. Je vous invite à l'écouter, vraiment c'était très très cool. Et donc il a marqué, donc il a donné comme titre, « La petite parenthèse qui donne le sourire ». J'adore, entre le rire ultra communicatif de Sofiane et les anecdotes, c'est juste parfait pour rire quelques minutes. Et puis petit bonus, ça permet de montrer que même les plus talentueux passent aussi par des bonnes grosses galères. Merci, fais-en encore plein. Donc merci encore Sinan, merci d'avoir été dans le podcast, merci pour l'avis que tu as laissé, tu avais été le premier. Alors 2 choses du coup que je voulais dire par rapport à ce commentaire. Le rire ultra communicatif, vraiment j'en suis ravi, c'est avec grand plaisir. Quand je ris, c'est naturel, vraiment je ne me force pas dans le podcast. Quand une anecdote me fait marrer, je me marre. Et j'ai un rire assez sonore, donc désolé pour vos oreilles quand c'est un peu trop fort. Mais en tout cas, c'est de bon cœur, sachez-le. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit c'est parfait pour rire quelques minutes. Alors là en fait en ce moment... Vous avez pu le remarquer, je suis sur une série d'invités belges et les épisodes sont plus longs en fait. Et j'ai remarqué que ça vient du fait que à l'époque, j'enregistrais, quand on avait encore le droit de jouer des spectacles devant des êtres humains et non pas devant une caméra sur Zoom, j'allais voir les humoristes en fait directement avant ou après la scène et j'enregistrais avec eux avec le micro de mon téléphone, tout simplement. Le problème, c'est que maintenant forcément, on est obligé de faire ça à distance, donc je fais ça par Skype. Et comme c'est une conversation téléphonique, on a tendance à plus parler, à plus, on est tranquille, on est en mode chill vraiment, et on parle, on discute, on part des fois dans des trucs plus philosophiques, plus profonds dans le stand-up, donc on rigole. Moi ça me plaît, hein, ça me dérange pas, et j'espère que vous non plus. Les épisodes sont plus longs en ce moment, j'ai plus tendance à faire des épisodes d'une demi-heure ou de 25 minutes, une demi-heure, que des épisodes comme avant qui faisaient que 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, voilà. Donc ça c'était le premier commentaire. Le deuxième, c'est Laura, les coulisses du voyage. Je vous invite d'ailleurs à écouter son podcast, il est vraiment super. Les coulisses du voyage, vous le trouvez sur toutes les applis de podcast. Et donc elle a noté 5 sur 5, merci encore Laura. Donc le titre, elle a mis un bon moment. Et son commentaire c'est: je me régale de toutes ces anecdotes, intéressant aussi pour comprendre l'envers du décor de ce métier. Alors merci Laura, et c'est exactement le but du podcast, montrer l'envers du décor, montrer les galères, montrer que quelle que soit notre carrière, débutant, confirmé, semi-pro, star de l'humour, on a tous des galères et on en vivra encore. Voilà, donc merci beaucoup et je vous encourage vraiment à laisser un petit 5 étoiles et un petit commentaire, voilà, avec grand plaisir. Je serai ravi de les lire au début de prochains épisodes. Merci à vous, on fait ça dans la bienveillance, tranquillement. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur mes réseaux sociaux, tout simplement, Sofiane et Taï, E de TAI, partout, hein, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, voilà. Maintenant, je vais commencer les anecdotes que je voulais vous raconter. Alors, je vais vous en raconter 3 ou 4. Je vais voir, en fonction de comment se passe l'épisode. C'est un peu comme avec les épisodes que je fais avec des invités, parce que des fois, je leur dis, t'as une anecdote ou deux, donc je commence avec ma phrase, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Et des fois, les mecs me disent, ouais, j'ai une ou deux anecdotes, machin. Et puis après, finalement, ils me racontent les deux. Et après, ils disent, ah, attends, il y en a une autre qui me revient, là, et tout. Et j'adore quand ça se passe comme ça. C'est génial, c'est du partage. Et c'est quasiment du spectacle vivant, en fait. C'est du podcast vivant, tout simplement. Voilà. Alors, ma première anecdote, c'est que j'ai joué dans un coin. Bon, bien évidemment, je me plie à la même règle que j'ai posée pour le podcast pour tous les invités. C'est qu'évidemment, on ne donne pas de nom quand c'est négatif. Donc, voilà, là, c'est... Alors, c'est pas négatif en soi. C'est-à-dire que le spectacle en lui-même, je l'ai joué dans une ville. C'était génial. J'ai pris un pied pas possible. La salle était pleine. C'était génial. C'est... Alors, ça vient pas de moi que la salle était pleine. Hein. J'ai pas encore la visibilité pour ça. Ça vient de l'organisation. C'était un comité des fêtes qui était vraiment génial, super gentil. La salle était archi pleine. C'est eux qui ont fait un excellent boulot de com. Et du coup, les gens sont venus. Moi, j'ai passé un super moment. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont bien rigolé aussi. D'ailleurs, à la fin, quand on a parlé à la fin du spectacle, tout le monde est venu me parler et tout, vraiment en mode super bienveillant, ça m'a fait super plaisir. J'avais eu une très bonne première partie, c'est un ami à moi voilà, qui a fait la première partie et tout. Et donc voilà, je suis sorti de ce spectacle, vraiment c'était très très cool, on avait passé un très bon moment, j'étais content. Le lendemain ou quelques jours plus tard, je vois une publication de ce comité des fêtes qui met une photo de ma première partie et qui dit « Merci donc à ma première partie ». Merci pour ce moment ou je sais pas quoi, mais rien de plus. Pas un mot pour moi, pas une photo de moi. Genre après je me suis dit ah bah ils ont fait une publication pour lui, ils vont en faire une pour moi peut-être, parce qu'à la base c'était mon spectacle. Et ils ont pas mis de photo de moi, ils ont rien mis. Et vraiment j'avais passé un super moment. Il y avait même des spectateurs qui m'avaient amené des cadeaux. Je les avais vraiment remerciés du fond du cœur. Ça m'était vraiment rentré dans le cœur. Ça m'a vraiment fait plaisir quoi. Ils avaient été adorables. Et vraiment j'ai pas l'impression que le spectacle s'était mal passé au point de pas en parler quoi. Je dis pas que c'était le spectacle de l'année et qu'il aurait fallu l'afficher dans toute la ville, non. Mais c'est juste que remercier la première partie d'être venu, mais ne pas remercier le spectacle d'après, je sais pas, ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave. Vraiment, l'équipe, je leur en veux pas du tout. Ils avaient été adorables. Mais j'avoue que ça m'a fait tilter, quoi. C'est, on remercie la première partie, mais bon, ben, pas de photo du spectacle principal, pas de merci, même un merci, tu sais, genre un merci, on va dire, conventionnel et hypocrite, hein. Genre, ouais, merci à un tel et merci à Sofiane, pour être venu jouer son spectacle. C'est tout. Genre, juste un truc de convention. Bon, c'est pas grave. Franchement, je le prends pas mal, mais ça m'a fait rire. Ça ramène un petit peu sur terre aussi. Après, je dis pas que j'étais en mode prétention, j'ai été le meilleur. Non, franchement, ça s'était bien passé, mais comme il y a eu d'autres spectacles qui sont bien passés. Si vous voulez, s'ils avaient rien mis du tout, ça m'aurait pas gêné du tout. J'aurais pas dit, ah, ils auraient dû faire une publication. Mais le fait qu'ils mettent une publication à propos de mon spectacle et qu'ils mettent une photo du mec en disant merci, bon, ben, moi, ça m'avait un petit peu touché, quoi. Enfin, voilà, ça m'a un peu fait mal sur le moment. Mais bon, c'est pas grave, j'en rigole maintenant. Il n'y a pas de souci. Deuxième anecdote que je vais vous raconter. C'est la journée de dingue que j'ai passée pour aller faire la première partie de Jean-Marie Bigard au Zénith de Pau. Alors Jean-Marie Bigard, c'était l'épisode 90, je crois, 90. Et je vous invite à aller l'écouter, c'est génial. Vraiment, j'ai kiffé ma rencontre avec cet homme. Il est gentil comme tout. C'est un gros nounours en vrai. Quand on gratte un petit peu, on voit les blessures qu'il y a derrière et tout. Et c'est quelqu'un qui a un grand cœur, un cœur énorme, vraiment, d'une gentillesse et d'une sincérité sans pareil. Et vraiment, sa carrière, il la mérite. J'ai du respect et de l'affection pour cette personne. Vraiment, merci Jean-Marie pour... si jamais t'écoutes l'épisode, merci à toi pour ta gentillesse et merci de m'avoir permis de faire ta première partie. C'était vraiment super. Bon, ce jour-là, je devais y aller après le boulot, parce que donc je suis chauffeur de bus dans le réseau de Bordeaux, voilà, je devais partir après le taf. Je pars et je récupère une amie donc qui était fan aussi de Jean-Marie, et Jean-Marie avait été adorable, il l'avait invité aussi et tout, donc c'était vraiment, je vous dis, c'est un mec en or, et je vous invite, je l'avais déjà dit dans le podcast que j'ai fait avec lui, mais je vous invite à aller lire son livre « Rire pour ne pas mourir ». C'est un livre vraiment super intéressant, je vous invite à le lire, vous allez comprendre qui est Jean-Marie Bigard, vraiment, son livre m'a marqué, et c'est de là que je l'ai contacté pour aller faire sa première partie. Au total, je l'ai fait trois fois, je l'ai fait une fois à côté de Strasbourg, une fois à La Rochelle, et une fois au Zénith de Pau. Et donc là, je vous parle de celle de Pau. Donc, en gros, je devais récupérer mon ami après le boulot et partir, donc voilà, prendre la route de Pau pour aller faire la première partie. J'avais le temps, hein. Normalement, je terminais à 13h, je crois, ou 14h, je devais terminer à 14h, et après ben prendre la route pour aller jouer le soir à 20h quoi. Donc j'avais du temps. Le problème, c'est que je suis parti donc du boulot en retard parce que la CGT avait fait une manif ce jour-là. Alors, je ne suis pas du tout syndiqué ou quoi, mais ce jour-là, j'ai voué une haine sans précédent à la CGT. Je suis désolé les gars, je vous aime bien, vous êtes gentils, vous défendez les droits et tout, mais ce jour-là, vous m'avez mis en galère. À cause de vous, j'ai passé une heure de plus dans mon boulot, je suis arrivé en retard, donc pour débaucher, j'ai récupéré mon ami en retard, je suis parti prendre la route de Pau en retard. Bon, c'est pas le seul truc qui a déconné, hein, donc c'est pas grave, la CGT, je leur ai pardonné depuis. Arrivé à... Allez, il me restait... Donc on s'arrête pour acheter un gâteau et tout. On s'arrête pour acheter un gâteau pour remercier Jean-Marie de sa gentillesse. C'était pour Jean-Marie et son équipe, quoi. Voilà, j'en profite pour les saluer aussi, ils sont très très sympas. Je repars et à un moment je vois que le gâteau il est pas très très stable sur la plage arrière, j'ai un peu peur qu'il se casse la gueule et que du coup il soit raté quoi, complètement gâché, donc je décide de m'arrêter pour le mettre sur la banquette arrière histoire qu'il bouge moins. Je m'arrête, je le mets sur la banquette arrière et là je vais pour repartir et j'ai un témoin rouge qui s'allume sur le tableau de bord de ma voiture, j'ai les freins, témoin de frein. J'essaye de regarder sur internet si j'arrive à trouver quelques petites astuces et tout, parce que des fois c'est juste des faux contacts ou quoi. Donc je tente ma chance, il y en a qui disent ouais il faut débrancher la batterie et tout machin, et moi j'ai même pas les outils pour ça. Donc heureusement je m'étais arrêté juste à côté d'une boîte, d'une espèce d'entreprise, je sais plus ce qu'ils fabriquaient. J'ai demandé à un mec en panique, s'il vous plaît je suis vraiment désolé de vous déranger et tout, j'ai besoin de d'un outil genre d'une clé à molette pour pouvoir enlever les cosses de la batterie et réinitialiser la voiture, peut-être que c'est juste ça. Et le mec il me fait oui pas de problème, donc il m'a gentiment donné une clé à molette, je le salue si jamais il nous écoute. J'ai ouvert le truc, j'ai débranché pendant, je sais plus, il disait une minute, donc bon j'ai débranché pendant deux ou trois minutes, je sais plus. Je rebranche et toujours le même problème. Je lui dis ouais je suis vraiment en galère et tout, je dois être à Pau dans, je sais plus, il me restait une heure pour arriver, il me restait quand même pas mal de bornes quoi. Et je speed, je préviens l'équipe que je vais arriver en retard et tout, j'arrive à Pau. Donc, le problème était toujours pas réglé, hein, évidemment, mais je suis parti avec la bagnole qui bipait. C'est-à-dire, ça bipait en permanence, c'était dangereux et tout. En fait, les freins fonctionnaient, mais je crois qu'il y avait une mauvaise information qui remontait ou j'en sais rien. Donc, j'ai pris le risque, malheureusement. J'ai roulé quand même la voiture, j'ai vu qu'elle freinait, qu'elle fonctionnait normalement, à part le bruit, il y avait vraiment pas de différence. Je suis arrivé au Zénith, je vais voir Jean-Marie et tout, je présente mes excuses, j'ai prévenu l'équipe que j'allais arriver en retard, je présente mes excuses en arrivant, je leur donne le gâteau. Jean-Marie, il gueule un peu contre moi, il me fait « Mais on s'en tape de ton gâteau !»« Mais il fallait arriver à l'heure !» Et je lui dis « Je suis désolé !» Oh là là, je savais plus où me mettre. Je dis « Ouais, j'ai débauché en retard, c'est à cause de la CGT et tout !» Donc vraiment le mec qui trouve des excuses à deux balles quoi. Le pire c'est que c'était vrai, c'était totalement vrai. Je lui dis regarde j'ai encore les mains pleines de cambouis, j'avais du cambouis sur les mains et tout. Mais bon c'était marrant, après je comprends sa réaction, elle est normale. Le spectacle il avait lieu à 20h, j'ai dû arriver à 19h40. Donc il m'a dit ça y est c'est trop tard maintenant, on peut plus faire les balances, le public est déjà là, ça y est. Je dis non mais c'est pas grave, j'assume, c'est pas grave, je ferai pas les balances, je prendrai le micro directement et j'irai sur scène. J'étais dégoûté, je lui dis vraiment je te présente toutes mes excuses. Je joue, ça s'est super bien passé, franchement les gens ils ont été super chaleureux et s'il y en a qui écoutent le podcast je les salue vraiment, merci, votre accueil a été super, j'ai pris du plaisir comme pas possible, c'était mon premier Zénith, je prie Dieu que ce soit pas le dernier et donc c'était vraiment génial, ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de refaire ça quoi, voilà, pas d'avoir la panne et de me faire mettre en galère par la CGT, hein. non je parle du Zénith hein, évidemment. C'est vraiment génial, t'as une marée humaine devant toi et tu balances tes vannes et tu vois ça. Oh, c'est vraiment, l'effet il est multiplié par 1000 quoi, par rapport à une petite salle. Je termine. Jean-Marie vraiment il a été super gentil parce qu'après il m'a dit ouais, mais c'est pour toi que je te dis ça et tout, voilà, il voulait que je sois dans des bonnes conditions, il voulait pas que je sois au dernier moment comme ça, je comprends tout à fait, franchement je lui en ai pas voulu, sur le moment ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis dit je l'ai déçu et tout et voilà, et je comprends sa réaction, j'aurais certainement eu la même, c'est normal, voilà. Donc après quand il m'a présenté vraiment au top, il a été gentil comme tout. Après je suis monté sur scène, j'ai fait mes 10 minutes, je suis sorti en disant voilà mesdames et messieurs maintenant je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Marie Bigard, ouais, tout le monde a gueulé et tout, c'était ambiance de dingue. De toute façon, c'est de l'amour, tu vois. Quand les gens viennent te voir comme ça sur scène, ils te donnent de l'amour, tout simplement. Le truc se termine, je monte à côté de ma pote, on nous avait trouvé des places en régie et tout, la régie elle était au milieu du public, on monte, on se régale, parce que Jean-Marie Bigard c'est un monstre de scène tout simplement, on se régale vraiment, une heure et demie de spectacle ou deux heures, on a pleuré de rire vraiment, c'était génial. Le spectacle se termine, parce que c'est pas fini, hein, ma journée galère. Donc première galère, la CGT, deuxième galère, la panne de ma voiture, troisième galère, c'est là. Le spectacle se termine, tout le monde part et tout, je vois les rangs se vider et il y a un mec qui laisse le rang passer. En fait, il attendait derrière le flux de personnes qui rentraient parce que il y avait je sais plus combien de personnes, mais c'était un zénith, hein, donc vraiment beaucoup de monde. Et ça passait comme ça, c'était une marée humaine qui remontait les escaliers. Lui, il attendait de l'autre côté, c'est-à-dire il a pas rejoint la marée humaine. J'ai compris qu'il voulait me parler. Et quand t'es stand-upper, quand tu fais souvent des premières parties, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui t'attendent, qui veuillent pas partir tout de suite et qui t'attendent pour te féliciter et te dire bravo, où est-ce que je peux vous retrouver, où est-ce que je peux vous suivre, voilà. Là, moi, le mec, je le voyais et il me regardait fixement, je savais qu'il voulait me parler. Et j'ai rien dit, mais à l'intérieur, dans mon ego, j'étais en mode, ah, je suis sûr qu'il va me féliciter, c'est vrai que ça s'est bien passé, franchement, c'est cool. Et j'étais un peu confiant. Et là, le mec, il attend. La marée de personnes passe et il vient vers moi. Il me fait « Bonsoir, c'est vous qui étiez en première partie ?» Donc jusque-là, mon plan se déroule comme prévu. Je lui dis « Oui, c'est moi. » Et je m'attendais à recevoir un petit compliment, un petit « Voilà, c'est cool, bravo, vraiment bravo, j'ai adoré, machin. » Et en fait, le mec... le mec me dit « Donc c'est vous qui étiez en première partie ?» Je lui dis « Oui. » Et il me dit « Ah, parce que en fait, j'ai vu que Jean-Marie Bigard avait des t-shirts qu'il vendait. Donc, Jean-Marie a fait des t-shirts qu'il propose sur son site internet. Il me dit, ouais, est-ce que vous pourriez aller voir si vous pouvez m'en choper un en XL, s'il vous plaît? Donc, le mec, il m'a pris pour un employé de chez Zara, tu vois. Il voulait que j'aille voir Jean-Marie Bigard pour lui demander, est-ce que t'as des t-shirts sur place? Est-ce que t'as des t-shirts ici ou c'est uniquement sur le site? Là, mon ego, il a saigné du nez. Et saigner de l'abdomen aussi. Ça m'a fait mal, très très mal. C'est ça le métier d'humoriste, ça te remet à chaque fois les pieds sur terre. Là vraiment j'étais dégoûté. Enfin, j'étais en fait honteux. Je me suis dit, oh là là, c'était seulement ça. Mais c'est pas grave. J'ai dit, ok, quelle taille? Vous m'avez dit XL. Ok, je vais voir Jean-Marie et tout, j'attends. Et je vois son manager. Je lui fais, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire si Jean-Marie a des t-shirts à vendre ici sur place ou c'est uniquement sur le site? Et il m'a dit, non, non, c'est uniquement sur le site. Et donc, j'ai dit, ok. Et je suis allé voir le gars et j'étais content quelque part. J'étais, c'est l'ego qui parle, je suis désolé. Mais j'étais content de lui dire, eh ben non! Non, c'est que sur le site! Bon, j'ai pas dit ça comme ça, évidemment. Je lui ai dit, ah, je suis vraiment désolé, il a dit que c'était que sur le site. Et j'étais tellement content de pas lui donner ce qu'il voulait à ce mec, alors qu'il m'avait rien fait à la base. Vraiment, pardon s'il nous écoute, pardon, je suis désolé, mais sur le moment, limite, j'avais envie de rajouter chat. J'avais tellement été blessé dans mon ego, tu vois, de que le mec vienne me voir uniquement pour m'envoyer faire une course pour lui. Ah, ça m'avait vexé, quoi. Voilà. Enfin bref. En tout cas, la soirée s'est terminée. Finalement, l'équipe de Jean-Marie a pas pu manger le gâteau. Bon, c'était un peu speed et tout. Je suis arrivé au dernier moment, tout ça. Donc, ils m'ont dit de le récupérer. C'est pas grave. Je l'ai récupéré. Il était très bon. On l'a mangé en famille. C'était très très bon. C'était une tarte aux fruits à 20 balles, à 20 euros. Une tarte aux fruits, genre vraiment artisanale et tout, chez un pâtissier très très doué. Et donc 20 euros. Et je peux vous dire que, voilà, vraiment, normalement, j'aurais pas dit le prix, mais j'avoue que pour une tarte aux fruits, 20 balles, voilà, c'est vraiment, je me suis dit, elle a intérêt à être bonne. Ben, bon, finalement, c'est moi qui l'ai mangée. J'espérais vraiment qu'elle plairait à Jean-Marie et à son équipe. Finalement, c'est moi qui l'ai mangée avec ma famille, et je peux vous confirmer, elle les vaut les 20 balles. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est ma deuxième grosse galère. La dernière anecdote que je voulais vous raconter, c'est que j'ai joué mon spectacle dans un cinéma. Et j'arrive en fait, j'ai tapé des bornes de dingue et tout, c'était vraiment loin. Enfin bref, j'arrive là-bas et c'était à Gap en fait. C'était pendant ma tournée, j'avais fait une date par département. Donc là, c'était la date des Hautes-Alpes, le 05. Et je suis parti donc jouer là-bas. Et mon spectacle était programmé dans un cinéma. Je remercie encore le proprio du cinéma, il avait été très très gentil d'accueillir le spectacle. J'arrive. Je suis crevé, j'ai eu des galères. Ben, en fait, je suis arrivé au train le matin. Je devais prendre le train. pour aller jusqu'à Marseille. Arrivé à Marseille, il fallait que j'aille à l'aéroport de Marseille pour récupérer une voiture de location. Et la voiture de location, je devais la prendre pour aller à Gap. J'arrive le matin pour mon train qui partait à Marseille. Je crois que le train partait à 8h20. Du coup, je prends le tram et tout. J'arrive jusqu'à la gare Saint-Jean à Bordeaux. Je regarde le train, c'est marqué retard 10 minutes. Et il y a un petit message, le fameux pa pa para. Et ça fait, mesdames et messieurs, nous vous informons que le train, blablabla, partira en retard en raison d'un problème de démarrage, je sais pas quoi. Enfin, en gros, ils pouvaient pas le mettre en route, entre guillemets. Bon, ok, on attend. Après, je vois le retard, au lieu de 10 minutes, il passe à 5 minutes. Et je dis, yes, bonne nouvelle! Parce qu'en fait, je guettais le panneau qui changeait tout le temps et tout. Et je me dis, yes, bonne nouvelle! Ça veut dire que finalement, on va peut-être partir même à l'heure. À la limite, les 5 minutes, ça va, c'est rien de grave, quoi. C'est gérable quand même. Bon, c'est pas grave. Et là, pa-pa-pa-ra, nouvelle annonce. Ça nous annonce que finalement le train partira 20 minutes après le départ normal. Donc bon, on est passé de 5 à, on est passé de 10 à 5. Après, je crois que c'est remonté de 5 à 10. Après, de 10 à 20. Après, de 20 à 40. Et là, je me disais, ça me fait partir à 9h, c'est encore gérable. Je dis ok. Et là, à genre à 5 minutes du départ, soi-disant en retard et tout, eh ben, on nous annonce supprimé. Tu vois, c'est passé à supprimer. Le train, il apparaissait même plus. Ça y est, c'était marqué supprimé et hop, ils allaient le faire sauter. Je suis parti en panique jusqu'au guichet et tout. J'ai dit, s'il vous plaît, je dois être à Marseille tout à l'heure et tout. Qu'est-ce que vous avez? Et elle me dit, bah, il y en a un qui part. Ah, bah, non, il part là. Donc, non, c'est trop tard. Elle me dit, vous allez monter à Paris et redescendre. Genre, je devais monter jusqu'à Paris et redescendre après. Genre, TGV jusqu'à Paris et TGV après Paris-Marseille. Ça faisait un peu beaucoup quand même. Elle me dit, sinon, si vous voulez, il y a un autre intercité dans genre 40 minutes ou 1 heure. Et il vous fait arriver à Marseille, genre à je sais plus, à 15h ou à 16h, un truc comme ça. Moi, le soir, je devais jouer à 20h30, je crois, à Gap. Je me rappelle plus exactement de l'horaire, mais c'était 20h ou 20h30. Je crois que c'était 20h30. Je dis, ok, bon, bah, il n'y a pas d'autre solution, je prends ça. Je vais dans l'intercité. Je demande au contrôleur, s'il vous plaît, vous qui le prenez tous les jours, est-ce qu'il arrive bien à l'heure et tout? Il me dit, oui, il arrive à peu près à l'heure. Il me dit, bon, je peux pas prévoir, évidemment, mais bon, en temps normal, il arrive à l'heure. J'appelle le truc de location, j'étais en panique parce qu'en fait, j'avais donné l'heure à laquelle je devais arriver selon le premier train. Sauf que là, comme j'étais en retard, j'avais 1 heure pour récupérer la voiture et si l'heure était passée, la voiture me filait entre les doigts. Je flippe, je les appelle et tout. Et la fille, elle a été super gentille. D'ailleurs, si jamais elle nous écoute, je la salue aussi. Voilà, je vais saluer tout le monde, de toute façon. C'est pas grave, je salue tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça le bis à tous, même à toi là-bas. Je salue tout le monde, bis à tous, même à toi là-bas, même à tout le monde. Voilà. Donc elle a été adorable. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur, j'ai peut-être une technique. Ce qu'elle a fait, et c'est vraiment génial de sa part, elle a laissé ouverte la page en fait sur laquelle il y avait ma réservation, c'est-à-dire l'onglet de ma réservation, elle l'a laissé ouvert. Comme ça allait pas remettre à zéro entre guillemets. Elle l'a bloqué. Et elle m'a dit, faut juste que vous arriviez avant, je sais plus, 17h30 ou un truc comme ça. Je suis arrivé en panique à 17h25 ou un truc dans le genre. J'étais en sueur quand je suis arrivé, j'ai flippé, j'ai quand même récupéré la bagnole et tout. Elle a été tellement gentille quand j'ai ramené la voiture après. Quand j'ai ramené la voiture après, je lui avais acheté un petit parfum pour la remercier parce qu'elle avait été vraiment super gentille et tout. Je prends la bagnole, je préviens mes covoitureurs parce que bien évidemment je pars en retard à cause de tout ce bazar. Merci la SNCF. Je pars en speed. J'arrive, je récupère des gens à Aix-en-Provence. Après, on va à Gap. Finalement, on arrive et tout le soir du rallye Monte-Carlo. Donc, dans toute la ville, il y a plein de trucs barrés et tout, machin. Et moi, je vais pour traverser la rue. Donc, j'ai garé la voiture. Je vais pour traverser la rue. Et là, il y a des voitures du rallye Monte-Carlo qui passent. Aucune sécurité, tu sais. Ils sont passés comme des bombes. Bon, ben après, c'est normal, hein, mais moi, franchement, je flippais un peu. Bon, c'est pas grave. J'arrive devant le cinéma. Je me dis, c'est bon, la souffrance est finie. Et là, j'arrive et je vois toute une foule qui attend et je dis yes, super, la com elle a été super, c'est cool, tout le monde vient voir le spectacle. Et après je vais voir le mec du ciné, je le remercie de son accueil et tout et je lui dis c'est cool, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il me dit bah non, en fait pour ton spectacle il y a 3 personnes. Et je dis ah bon? Je dis c'est quoi tout ce monde alors? Et il me dit non, ils sont venus voir Dragon Ball Z Broly parce que le film Broly venait de sortir ce soir-là, il était en avant-première en fait. Et du coup j'ai fait non. Et ça fait que pendant tout mon spectacle, les 3 spectateurs étaient super gentils. Je les salue également, vous vous en doutez. Vraiment ils étaient super gentils. Et pendant mon spectacle j'entendais yeah! Kamehameha! J'entendais ça dans la salle à côté. Parce qu'on va pas se mentir, Sangoku faisait beaucoup plus de bruit que mes vannes. Voilà. En tout cas, c'était une belle galère, mais c'était marrant à vivre. Et donc voilà. Ben, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Vous me retrouvez, comme d'habitude, sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous remercie vraiment pour votre soutien dans ce podcast et je suis ravi vraiment que ça vous plaise. J'ai de très très bons retours, pas sur Apple Podcast, voilà, vous avez vu, il y en a que deux, mais sur en DM ou en direct, voilà, il y a beaucoup de gens qui me font des retours là-dessus et je suis vraiment ravi. Je fais ce podcast avec le cœur et je suis ravi que ça vous plaise et on continuera. Il y a encore des dizaines et des dizaines d'épisodes et dans ceux que j'ai prévus que j'aimerais faire, il y en a même des centaines. J'ai répertorié des centaines de personnes que j'aimerais avoir dans le podcast, donc inshallah, comme on dit, voilà, au fur et à mesure des années, on verra, j'espère atteindre mon objectif de terminer cette liste, voilà, de faire tous les invités que j'avais notés. Voilà, prenez soin de vous, et puis à très bientôt les amis, bis à tous, même à toi là-bas.